Le secret ne tient plus dans la voix. Joseph pleure plus fort que son trône. Et l'Égypte entend le passé qui s'ouvre à la foi. Je suis Joseph, la voix tremble. Les frères reculent dans l'effroi. Mais la grâce s'avance plus vite que la peur qui s'avance.